Eh bien, donc l'objet de cette troisième intervention, ce sera de vous présenter le travail de ma thèse que j'ai soutenu en 2016. Alors, ça sera très différent, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas me concentrer sur une ou deux notions, mais c'était vraiment essayer de vous faire part du cheminement qui a été celui de ma thèse, et notamment dans ce rapport avec la question de l'analogie religieuse. Pour un peu débuter, alors moi je venais pas du tout, je venais de l'ethnologie, je ne venais pas de STAPS, mais par contre j'étais sportive de haut niveau, en tout cas quand j'étais jeune. Et puis j'en suis venue progressivement à m'intéresser à la question des croyances et des pratiques rituelles dans le sport. Et quand je me suis un peu intéressée à ce qui s'écrivait dans le domaine, eh bien j'étais assez... absolument pas convaincu par ce qui s'écrivait sur la question de l'analogie religieuse, sur des rapprochements très rapides entre principalement la dimension spectaculaire du sport, principalement aussi le foot, et puis dans sa comparaison avec le cérémoniel religieux, qui était d'autant plus critiquable parce que ça sous-entendait aussi que le religieux était forcément défini par l'institution religieuse. Et donc... ça rendait complexe le comment penser un religieux, en tout cas potentiellement du religieux en dehors des religions, mais en même temps, ça signifiait qu'il fallait qu'on replaquait ce modèle traditionnel offert par les religions et qu'on qualifiait de religieux des choses qui fonctionnaient comme du religieux, dans une approche fonctionnelle ou alors substantive, c'est-à-dire on pouvait y voir des divinités, des nouvelles des divinités, par exemple la figure des grands champions. Mais donc, je voulais absolument pas parler d'analogie religieuse, mais en fait, l'analogie religieuse m'a rattrapée en quelque sorte, puisque j'assistais au séminaire sur le monachisme de Daniel Véléger, et que là, forcément, les similitudes étaient juste flagrantes, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, j'étais moi-même athlète à l'INSEP, le centre sportif qui réunit la plupart des équipes olympiques à Paris. Et donc, forcément, je voyais que que l'analogie était juste trop parfaite. Et donc, finalement, alors que je voulais consacrer l'essentiel de ma thèse à la question des rituels, cette question-là est apparue juste à la fin de ma thèse et j'ai consacré la moitié de ma thèse à la question de l'analogie religieuse. Donc, ce que j'aimerais essayer d'aborder ici, c'est quelle place est-ce que j'ai accordé à l'analogie religieuse, malgré tous ses défauts. Donc je vais organiser ma présentation de cette manière, c'est-à-dire la première c'est comment parler d'analogie religieuse et donc faire un lien entre l'INSEP, ce centre sportif d'élite, et la question de la vie monastique, le lien entre l'expérience des sportifs, le parcours de virtuosité des sportifs et celui des personnes qui se destinent à être au sein d'un monastère. Pour ensuite revenir sur la critique de l'analogie religieuse et sur la proposition d'autres cadres théoriques pour essayer d'envisager cette analogie religieuse plutôt comme une étape de travail qui permet de voir en fait et de lire cette réalité en tentant de ne pas s'y enfermer. Donc qu'est-ce que c'est que l'INSEP rapidement? Je ne pourrais pas tout développer, mais donc l'INSEP, c'est vraiment la structure la plus importante des sports dits amateurs, même si ça n'existe plus vraiment, cette question des sports amateurs. Et donc, c'est le fleuron national de tout un système sportif qui a été créé progressivement. Donc, c'est vraiment la forme la plus aboutie de l'institution sportive. Elle est donc située à Paris, au cœur du bois de Vincennes. Elle fait 28 hectares qui sont au service de la performance. Donc là, je reprends... les termes du site internet de l'INSEP. Et donc, concentre environ 1 000 000 de personnes en journée, environ donc 630-640 sportifs et 300 agents de la performance. Et donc, ma stratégie a été d'établir un modèle monastique, principalement inspiré des travaux de Weber, mais aussi d'enquêtes ethnographiques sur les monastères. Et puis, je me suis aussi intéressée, bien sûr, aux travaux de Charles Suau sur la question de l'inculcation de la vocation. Et donc j'ai repris les trois axes majeurs de la manière dont on décrivait les institutions closes laïques comme religieuses, à savoir la question de l'importance du cadre spatio-temporel, les types de relations qui s'y nouent, et les échanges avec l'extérieur, qui étaient trois manières en fait de réussir à construire ce rapprochement. Alors, ce que j'aimerais... Donc je vais évoquer deux grands aspects. Tout d'abord, cette question de la dimension extramondaine de l'INSEP, faisant de l'INSEP une société alternative. Donc, attention, l'idée, c'était aussi... j'ai donc également dû établir un modèle de l'INSEP alors que j'étais complètement immergée à l'intérieur de l'INSEP. Ce que j'ai pas rappelé, c'est que oui, donc j'ai une carrière environ de 20 années. J'étais sportive de niveau jeune, mais ensuite, j'ai pas réussi à accéder au meilleur niveau international. Et c'est en sortant de l'INSEP que j'ai été plus performante qu'en étant à l'INSEP. Comme quoi ? Comme beaucoup de sportifs de l'INSEP. Et oui. Mais j'ai attendu qu'on m'expulse. Mais ça aussi, c'est intéressant justement pour comprendre surtout cette question de l'inculcation de la vocation. Et puis également, donc, j'ai mené des entretiens auprès d'une trentaine d'athlètes, mais mes remarques sont aussi le fruit de nombre de discussions, d'observations, parce que j'ai travaillé au sein de l'INSEP, au sein du centre, du centre d'internat, donc j'ai vécu sur les lieux, et j'ai également travaillé au sein de la scolarité. Donc j'étais complètement impliquée toute la journée, la nuit, et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait les oppositions entre les différents services, service scolarité et le service des sports par exemple. Donc voilà, pour revenir à ce premier point, j'aimerais m'intéresser à la question de la dimension extramondaine de l'INSEP et envisager l'INSEP comme une société alternative. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de cette dimension extramondaine de l'INSEP? Donc je vais m'intéresser tout d'abord à la manière dont l'INSEP est organisé, en montrant que c'est un peu la création d'un monde à part. Et le deuxième traite de ce rapport au monde, de ce monde à l'extérieur. Donc tout d'abord, on pourrait évoquer l'INSEP comme une société angélique. Une société angélique, attention, c'est-à-dire que c'est la manière dont on souhaite montrer l'INSEP à travers toute la communication et à travers aussi une architecture rénovée, une organisation parfaitement efficiente, des structures, des infrastructures à la pointe, la garantie d'un double projet pour les sportifs. L'impression que c'est une société de l'abondance dans laquelle l'argent ne circule pas, puisque de toute façon on ne fait que badger pour se nourrir, badger pour entrer dans sa chambre. Et donc l'impression, de la même manière qu'on ne voit que des personnes qui sont performantes, musclées, tenues équipe, au quotidien dans des vêtements d'équipe de France. Et donc cette impression qu'on est dans une société idéale. Ça renvoie aussi aux propos des sportifs qui disent que certains sportifs disent que quand ils sortent de l'INSEP, ils ont l'impression que les gens sont malades. Parce que, effectivement, on est face à une espèce d'homogénéité d'une élite. Homogénéité parce que finalement, et comme dans toutes les fabriques de sportifs de champions, eh bien, ce qui garantit cette homogénéité, c'est le principe de l'expulsion, puisque dès lors qu'on est plus performant, on est donc exclu. Et donc on est face à une population jeune et élue parce que finalement ils sont ici des suites d'un écrémage depuis leur prime enfance, alors ça dépend des sports. Et donc tout contribue à faire de cet institut une société angélique dans le sens où les conditions sont, semble-t-il, idéales pour performer. Même si bien sûr, effectivement, ce n'est que de courte durée puisque dans certains sports ils ne survivent que parce qu'ils sont aidés, leur nourriture est financée, leur champ également, mais dès lors qu'ils ne sont plus bons, ils n'ont plus rien pour sortir de cet endroit. Autre chose intéressante et qui rejoint encore le modèle monastique, c'est qu'on peut évoquer l'importance d'une temporalité alternative. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, cet endroit vit au rythme du sport. Donc, les différentes chaînes de télévision ne retranscrivent quasiment que du sport. Les revues sont toutes sportives. L'actualité est constamment liée au sport. Et puis également, aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un milieu tellement fermé que différentes générations de sportifs vivent au sein de l'Institut. Donc, vous êtes... au suivi médical et vous êtes encadré par un ex-grand champion, vous allez au service socio-professionnel, c'est encore un autre grand champion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'organigramme de l'INSEP, eh bien, est précisé constamment le palmarès des personnes dirigeantes. Ce qui donne forcément la légitimité de la position qu'ils occupent. Et en même temps, ce qui est intéressant, donc il y a donc cette interpénétration des différentes temporalités. Il y a aussi un quotidien, un présent extrêmement routinier autour du travail, donc de 7h45 le matin à 22h le soir pour les mineurs qui sont scolarisés au sein de l'INSEP. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce quotidien, mais il porte en gemme constamment une utopie, celle de la performance qui doit arriver. Et en cela, ça fait écho également à vos deux présentations, c'est qu'on a une idéologie utopique de la performance qui est extrêmement présente, alors qu'on est dans un sport comme l'athlétisme qui est pourtant mesuré, objectivable constamment, mais en fait le présent est constamment remis en question au nom d'un futur hypothétique de performance. C'est-à-dire, si vous demandez à un athlète quel est son record, il aura beaucoup de mal à vous le dire parce qu'il vous dit qu'il vaut tout le temps mieux. Et c'est un peu le moteur de l'action. Et la difficulté d'arrêter cette pratique, c'est justement parce qu'on considère qu'on peut toujours mieux faire. Et donc toute l'institution est organisée autour de ça, autour de ce projet de performance et de cette utopie de la médaille d'or. Par exemple, l'année des Jeux Olympiques de 2012, il y avait toute une série de photographies sur les chercheurs d'or. Et donc les chercheurs d'or, c'était les sportifs avec le visage noirci, c'est-à-dire des mineurs qui allaient à la recherche de l'or. Je pourrais encore développer sur cette question de l'utopie, mais il y a toute une croyance dans un dépassement de ses limites qui est sans limite finalement. Nul ne sait ce que le corps peut. Et donc cet entretien des sportifs entre eux et également par l'institution dans cette quête de la performance. Et puis l'autre chose intéressante également qui se rapproche de la vie monastique, c'est la question de l'organisation de ce centre sportif qui est en fait particulière étant donné qu'elle repose sur le principe méritocratique. C'est-à-dire que plus vous êtes bon, plus vous avez des chances d'avoir une chambre individuelle, plus vous êtes bon, plus vous avez des accès aux soins rapides, à l'alimentation rapide, vous bénéficiez d'un réseau plus important. Donc ça, ça va être, par exemple, l'année 2012, les personnes qui sont considérées comme potentielles olympiques, donc PO, bénéficient d'une carte particulière qui leur offre des accès facilités aux soins et à l'alimentation. Et après, en fonction des politiques fédérales, vous avez des moyens donnés aux groupes d'entraînement pour décliner en fonction du nombre de champions qu'ils ont. Donc ça crée une très grande hiérarchisation des rapports au sein des groupes et au sein donc de cette population qui à la fois est homogène, c'est-à-dire que ce sont tous des champions, mais comme ce que tu décrivais, il y a toujours les plus champions que les autres, et notamment les médiatisés et les autres. Les sports mineurs, les sports majeurs. Donc une organisation propre qui repose sur le principe de la méritocratie, une neutralité de l'échange marchand, puisque comme je vous disais, il y a très peu d'argent. Et puis un pouvoir coercitif propre à l'Institut, qui gère ses problèmes en interne, et qui renforce ici encore la dimension extrêmement mondaine de l'Institut. Une autre chose intéressante, donc comme j'avais dit, une homogénéité de l'excellence cultivée par tous les services proposés. Donc ça, c'est le service communication de l'Institut montre bien qu'en fait, on est face au meilleur niveau. Et en plus, il y a tout un travail sur le passé prestigieux de l'INSEP et des différents instituts qui ont précédé l'INSEP pour montrer qu'on s'inscrit dans cette continuité de l'excellence. Chose que l'on trouve également dans la vie monastique. Et cette question de la transmission de l'excellence d'entraîneur à athlète qui justifie le fait que l'athlète devient ensuite entraîneur puisque lui-même était un grand champion. Donc l'inscription dans une lignée imaginaire de la continuité. Une chose intéressante aussi, je me suis intéressée aux relations entre les sportifs et leur entraîneur et toute cette question, j'aurais peu le temps de développer, mais comment faire adhérer les sportifs à l'entraîneur et à sa manière d'envisager la pratique. Donc il y a tout un tas de stratégies, d'arguments scientifiques, de preuves d'argumentaires à partir d'une performance créée. Et donc cette question aussi, c'est un travail qui se fait collectivement, c'est-à-dire que les sportifs entre eux se convainquent du bien fondé des méthodes d'entraînement de l'entraîneur, parce que si l'un d'eux doute, il risque de mettre le doute à tout le groupe. Donc il y a un effet extrêmement puissant de ce travail de persuasion dans le bien fondé des méthodes de l'entraîneur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entrée à l'INSEP marque un processus d'identité, c'est-à-dire une perte de son identité un peu propre pour la création d'une nouvelle identité à dominante collective, liée à l'intégration des valeurs du groupe. Ça, je peux encore développer un petit peu, c'est-à-dire que ça rejoint ce que vous disiez sur la question de l'éthique, c'est-à-dire que finalement, ce qui prime dans le travail collectif, c'est une éthique de l'effort. Une éthique de l'effort, et c'est ce qui intègre l'individu au groupe. Mais j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, dans son rapport au monde, l'INSEP est en fait un espace entièrement clôturé. Et donc, pour y accéder, il faut avoir l'autorisation, il faut avoir un pass ou être accepté par une personne de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, c'est un milieu qui crée ses propres valeurs, qui sont quand même en opposition ou dans une certaine... certains écarts avec celui de la société. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est dans le rapport au corps notamment, souvent donc, certaines séances sont réalisées en dehors de l'INSEP et c'est des séances qui sont extrêmement violentes physiquement, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vomissent, qui sont à moitié, qui sont vraiment dans des états de semi-conscience et régulièrement il y a des badauds qui passent et qui demandent s'il faut appeler les pompiers. Alors, et donc ça fait extrêmement rire dans le milieu parce que ce sont des états entièrement, comment dire, entièrement. Disons que ce sont des états comment dire, travaillés et recherchés par les sportifs. Donc, ce qui est intéressant également dans ce rapport au monde, et c'est le rapport complexe à la question de la cesse que j'évoquerai davantage, c'est que la clôture, elle offre une forme d'imperméabilité au monde qui, d'une certaine manière, protège de l'extérieur. C'est-à-dire que, je tiens cela des propos des sportifs, et en même temps, ça protège, en même temps, on y est tout. C'est-à-dire qu'on va rechercher l'INSEP parce qu'on retrouve des personnes qui ont le même engagement que celui qu'on souhaite rechercher, mais en même temps, on peut aussi y étouffer parce que finalement, le rythme est trop infernal. Et en même temps, c'est extrêmement dur de quitter l'INSEP, donc on a tendance à y rester éternellement. Et donc cette question de l'imperméabilité au monde, elle renforce cette forme de pensée unique, à savoir l'idéologie du milieu qui est de s'engager pleinement dans l'effort. Mais j'y reviendrai. Donc c'est en cela que finalement toutes ces caractéristiques-là de l'INSEP sont extrêmement proches de la vie monastique et en cela on peut parler d'une enclave de virtuosité dédiée à la performance. Une société alternative utopique où se cultive l'idée d'une perfection des corps et des pratiques, de l'excellence et d'une confiance en l'avenir, grâce notamment à un retour constant vers les origines glorieuses de l'INSEP. Et donc, pour la plupart des sportifs, rentrer à l'INSEP, c'est le Graal. Maintenant, j'aimerais m'attarder davantage sur la question de la cesse, qui apparaît, donc, je vais reprendre les termes de Tristan et Sébastien, comme règle et comme moyen. Et donc ici, ce que je trouvais intéressant, c'était de faire fonctionner à la fois la dimension collective de la cesse et la dimension individuelle. C'est-à-dire que cet institut, qui coûte très cher aux concitoyens, l'idée de proposer une structure institutionnelle dans laquelle les sportifs s'entraînent, c'est que l'institution a constamment un regard sur la pratique des sportifs au sein des fédérations. Et donc, bien sûr, il s'agit de faire respecter, c'est en cela qu'on peut parler d'ascèse dans sa dimension collective, il s'agit de faire respecter deux choses principales, qui sont deux critères qui conduisent à la performance, à savoir le travail physique et la question de l'hygiène de vie. Je reviendrai ensuite sur la question de la dimension individuelle. Donc cette question de dimension collective, elle se repère de plein de manières différentes, à savoir... tout d'abord dans la manière dont on va rythmer au quotidien rythmer le quotidien des sportifs qui sont extrêmement occupés, donc les mineurs par exemple, comme je vous le disais, ils commencent les cours à 7h45 et en fait ils finissent à 22h avec des études et ils reprennent le lendemain à 7h45. Il faut savoir que par exemple les GRS une année faisaient 42 heures d'entraînement par semaine. Donc dans sa dimension collective, voilà une première manière de réguler la pratique. L'autre chose également, c'est que, comme je vous disais, à l'INSEP, on ne fait que badger. Donc cette manière de badger permet un contrôle total de l'institution sur les sportifs, puisqu'on sait à quelle heure ils entrent dans l'institution, ce qu'ils mangent, et à quelle heure ils vont dans leur chambre. Et ils en sortent. Non, ils vont dans leur chambre. Et donc en fonction des pôles et en fonction des stratégies d'entraîneurs, ils peuvent à tout moment demander, relever, faire se relever pour savoir un peu, pour essayer de comprendre les contre-performances de leurs sportifs. Voilà pour cette question de la surveillance de l'hygiène de vie et du travail physique. Il y a aussi tout un contrôle de l'alimentation à travers l'alimentation proposée au sein de l'Institut. Donc au fil des années, en fait, ça a été de plus en plus restrictif parce qu'au départ, c'était quand même une cafétéria casino, donc qui proposait des frites, des pizzas, etc. Et puis progressivement, en fait, les pizzas ont disparu, les frites étaient là deux fois par semaine. Bref, et donc il y a eu toute une levée de boucliers de la part des sportifs qui ont surenchéri en achetant davantage de nourriture provenant de l'extérieur. Donc ça, c'était assez drôle, les stratégies de résistance vis-à-vis de l'institution. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette ACES, donc cette question de cette inculcation de ce travail et de cette rigueur de vie, elle tend à uniformiser d'une certaine manière les individus, qui doivent se conformer donc aux règles du lieu, mais également aux règles du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, étant donné que ce qui prime, c'est de s'intégrer au groupe, certaines personnes sont dites des champions de l'entraînement et qui n'arrivent plus du tout à performer en dehors de l'entraînement, parce que finalement, ce qui est essentiel pour eux, c'est cette question d'intégration au groupe, et donc plus du tout la question de la performance. Bref, et donc il y a à la fois cet aspect de l'uniformisation des individus, et en même temps, la ACES dans sa dimension individuelle, c'est-à-dire la conception que chaque individu a de la ACES, est différente plus ou moins en fonction de cette ACES collective, et ce qui génère des tensions au sein des groupes, au sein de l'Institut. Et donc ça, je trouvais que c'était un concept qui était assez intéressant, développé par Daniel Avelugier, parce que ça permettait justement de ne pas avoir une lecture peut-être trop lisse de ces rapports à l'institution, mais de voir justement qu'est-ce qui fait ces variations. Donc qu'est-ce qui fait ces variations? Ça va être soit des personnes extrêmement performantes qui vont justement s'autoriser à défendre une ascèse beaucoup, beaucoup moins rigoriste et plus quand même axée sur un plaisir modéré. Et à l'autre opposé, mais bon, il y a plein de variantes, des personnes qui sont en difficulté, qui souffrent de ce poids de l'institution parce qu'ils aimeraient juste s'amuser un petit peu plus, et qui donc étouffent au sein de l'institution, et qui souhaiteraient la quitter, mais en même temps, financièrement, c'est compliqué. Donc là encore, c'est quelque chose qui est assez prépondérant dans la vie monastique, c'est ces différents effets d'une ascèse qui à la fois homogénéise et en même temps individualise et hiérarchise. Donc, excusez-moi, j'essaye d'être assez rapide. Ce qui est intéressant également, c'est pourquoi accepter tous ces sacrifices. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi accepter de rester dans une institution qui, au bout d'un moment, vous expulse dès lors que vous n'êtes plus performant, puisque ça va être selon des résultats. On va vous dire, il faut que tu fasses telle performance, sinon tu pars. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une adhésion totale, finalement, à l'idéologie du lieu, qui va faire que la plupart des sportifs vont accepter, finalement, parce qu'ils vont considérer que c'est la manière par laquelle ils vont réussir à performer. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça va justifier aussi les comportements au sein des groupes qui vont être dénoncer si l'un d'eux n'est pas assez impliqué, parce que finalement, ça nuit au projet collectif du groupe. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ça paraît assez incroyable de réussir à faire courir des personnes entre elles qui sont directement concurrents, parce que vous avez des groupes qui sont où il va y avoir le numéro 1 et le numéro 2 d'une même discipline, donc autant vous dire que c'est quand même extrêmement complexe, mais ce projet collectif porté par l'entraîneur garantit quelque part, met de côté les envies individuelles au nom d'un projet collectif de travail, mais ce qui signifie aussi qu'il faut travailler pour le groupe. Et donc ce qui va générer des problèmes au sein du groupe, c'est justement ces personnes qui vont être individualistes et qui vont tricher. D'où la question de l'éthique de l'effort, qui est vraiment centrale dans la question, dans la vie de groupe. Donc, la viabilité du fonctionnement de l'INSEP repose sur la mesure disciplinaire, puisque quelque part, elle assure la pérennité de l'Institut. Elle reste un lieu consacré à l'élite. Et elle contribue aussi à maintenir son attractivité. C'est parce qu'il y a du haut niveau que les personnes souhaitent tous y aller. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, et je trouve que ça rejoint encore la vie monastique, c'est que finalement, on voit la force, comme vous le disiez, de cette inculcation du travail physique, c'est que les pensionnaires sont tous libres d'entrer et de sortir. Mais sauf que la plupart s'en font expulser, attendent de se faire expulser. Ce qui est intéressant, donc pour revenir sur les discours, j'essaie de voir ce que je peux vous raconter. Donc voilà, c'est pour ça que ce que je voulais développer, c'est que ce qui est intéressant dans les discours des sportifs, c'est de dire qu'à la fois, ils font des sacrifices, donc c'est dur, le quotidien est dur, mais en même temps, c'est ce qui rendra la réussite d'autant plus exceptionnelle et agréable. Et donc cette idée que le dispositif mis en place, il est là aussi pour lutter contre leurs propres faiblesses. C'est-à-dire qu'on va rechercher des groupes dans lesquels il y a de l'adversité, parce qu'on sait que quand on est face à un adversaire, on ne peut pas se permettre de fléchir. Et donc, alors que si c'est des personnes qui sont dans des groupes de clubs et donc qui sont seules à avoir des objectifs, eh bien, ils vont peut-être s'autoriser des fois de faiblir, de ne pas réaliser la séance dans sa globalité. Et eh bien là, au moins, vous êtes confronté à un cadre d'une telle exigence que cette exigence vous protège de vos propres faiblesses, en quelque sorte. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est très proche également de la vie monastique, c'est-à-dire c'est parce qu'elle oblige qu'elle sécurise. Là encore, je suis sur le discours des individus. Et donc, elle est jugée nécessaire pour les sportifs. Et donc là, je cite par exemple un athlète qui, lui, a fait le choix donc, de vivre à l'INSEP alors qu'il a sa femme et deux enfants à 1h30 de l'INSEP. Et il me dit « Je suis à l'INSEP pour travailler, c'est comme les routiers, ça me permet de ne pas perdre de vue mes objectifs. Chez moi, je serais trop tenté de voir des amis et de boire l'apéro. » Enfin, le week-end, chez lui, quand même. Le week-end, quand il n'a pas de compétition, oui. Alors, les... Voilà. Donc... et donc effectivement, et là ça renvoie également à cette question de l'intimité des sportifs, on se rend compte que dans une institution comme l'INSEP, rien n'est pensé pour l'intimité. Et donc en fait, c'est pas tant qu'on est contre l'intimité des sportifs, mais finalement tous les services proposés vont à l'encontre de l'intimité. C'est-à-dire que ce que m'expliquait une athlète, elle avait un compagnon avec lequel elle avait vécu avant de rentrer à l'INSEP, parce qu'elle y est rentrée tardivement, elle avait 28 ans. Et sauf qu'une fois dans cette chambre individuelle, dans laquelle elle ne peut pas mettre deux matelas l'un à côté de l'autre, eh bien, son compagnon qui venait la retrouver n'avait pas de carte officielle pour entrer à l'INSEP. Et donc, pour le faire manger, c'était pareil, il fallait partager le repas. Et puis, en plus, comme elle était, c'était une personne qui faisait du demi-fond, elle était dans une chambre hypoxique, c'est-à-dire c'est des chambres où on reconstitue on fait en sorte qu'il y ait moins d'oxygène. Comment expliquer, parce que je ne me souviens plus trop des termes, mais pour améliorer son niveau en aérobie, il s'agit de reconstituer les conditions de vie en altitude. Et sauf que le problème, c'est que vous avez donc des techniciens qui constamment surveillent les dosages en CO2. Et donc vous imaginez bien, quand vous êtes deux personnes à l'intérieur, ça se sait. Et donc c'est le charme de ce genre de centre dans lesquels la promiscuité est extrêmement importante, c'est que donc quand vous n'êtes pas seul dans votre chambre, eh bien on le sait. Et puis aussi l'impossibilité d'être dans une chambre à deux. C'est-à-dire que la responsable, donc vous avez les intendantes qui sont donc des femmes des bâtiments mineurs, des bâtiments majeurs, celles des bâtiments majeurs expliquent que ça pose trop de problèmes en fait de gestion des personnes si on les met dans la même chambre. Et donc la plupart des sportifs certains sportifs vont vous dire que les meilleurs champions, de toute façon, c'est pas possible d'avoir une vie privée, parce que finalement, être sportif, c'est être égoïste, et donc on peut pas faire porter ça à quelqu'un. Donc là aussi, c'est intéressant de voir le lien, encore une fois, avec la question de la vocation sacerdotale. Ce qui est intéressant également, cette question de la surveillance mutuelle, c'est donc l'idée, c'est de se garantir un investissement total parce que vous êtes sous le regard de vos partenaires qui veulent votre bien, mais qui aussi vont donc pour votre bien et pour leur bien à eux, vous dénoncez auprès de l'entraîneur parce qu'il s'agit de ne pas consacrer trop de temps à une personne qui n'est pas investie. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette confiance totale en l'entraîneur et cette comment dire, dépossession de tout jugement, eh bien, c'est elle aussi qui est gage d'engagement total dans la séance. Donc là, je cite un athlète. Il faut à la fois se connaître, à la fois s'écouter, mais pas trop. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est important d'avoir un entraîneur qui s'investit. On se repose dessus. Il dira, te pose pas de questions, tu fais la séance ou tu t'arrêtes. Un autre jour, il demandera au gars investissement total. Ce qui est intéressant à travers cette citation, c'est que le sportif, en fait, dès le plus jeune âge, il va apprendre à accepter la souffrance comme une condition de la réussite. Et en fait, à un moment donné, quand on arrive au très haut niveau, finalement, les entraîneurs sont plus embêtés face à des sportifs qui sont beaucoup trop dans une forme d'excès de l'effort. Et donc, ils doivent gérer cet excès pour préserver leur sportif. Donc, il y a toute une espèce de gestion. Et ça, je renvoie à un article de Papin et de Vieux sur cette question d'ambivalence du discours institutionnel. C'est à la fois investissez-vous et dépassez vos limites, mais en même temps, faites attention à vous. Et donc, constamment, les sportifs sont dans cet entre-deux. Et l'entraîneur est ici un guide qui, à la fois, engage et à la fois réfrène et dispute dispute et pour engager et pour faire arrêter. J'ai par exemple un entraîneur qui me dit qu'il avait une de ses athlètes âgées qui lui demandait de lui hurler dessus. Il me disait, bah voilà, avec elle ça fonctionnait comme ça, je devais lui crier dessus. Et donc c'est assez intéressant ce jeu entre la cesse individuelle et la cesse collective, ce besoin d'un cadre rigoureux, parce que ça permet de comprendre à des personnes en dehors de ce milieu pourquoi est-ce que les sportifs recherchent l'adversité, pourquoi est-ce que les sportifs restent à l'INSEP, pourquoi est-ce qu'ils recherchent à ce qu'on leur crie dessus, etc. etc. Et ce que je trouve également intéressant, c'est que en fonction de la manière dont ils ont accepté cette idéologie de l'engagement sportif, eh bien, ils peuvent être au contraire critiques vis-à-vis de l'institution. Par exemple, vous avez des sportifs qui vont considérer que ça fait trop la fête à l'INSEP, qu'ils sont encore trop tentés par ce qui est proposé au service de restauration parce qu'il y a encore trop de desserts. Et inversement, comme je vous le disais, vous avez des personnes qui vont considérer que c'est beaucoup trop rigide. Je me suis également intéressée au parcours de virtuosité similaire aux expériences, au parcours de virtuosité des sportifs. Donc je ne développerai pas, mais ce sera la question du don qui est entretenu par l'institution. Donc cette révélation qui fait qu'à un moment donné, le sportif va se sentir reconnu par sa communauté, ce qui va engendrer un choix de quitter le cercle familial et de venir au sein d'un pôle, puis bien sûr l'INSEP. Donc je ne développerai pas ça, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la question du don, de la vocation, etc. etc. Ce qui a été intéressant et ce qui rejoignait aussi ce que disaient Sébastien et Tristan, c'est toute cette idéologie autour du rapport au corps et d'une certaine forme de surnature. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de développer, de repousser ses limites, chose qui n'a pas vraiment de sens finalement, mais également d'exploiter toutes les potentialités du corps. Et donc, il y a tout un discours autour de, eh bien, depuis que l'homme s'est mis à marcher, il a sous-développé sa chaîne postérieure, c'est-à-dire les fessiers, les ischios, et donc c'est ce qui justifie un travail de musculation pour pouvoir courir plus vite. De la même manière, en fait, quand on fait une distance longue, il s'agit d'être capable de courir le plus longtemps possible sur la douleur. Et donc, il s'agit de faire sauter les verrous physiologiques du corps. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, les meilleurs coureurs sur 400 mètres, eh bien, ils parviennent à faire chuter leur pH sanguin jusqu'à des valeurs entre 7 et 6,8, alors que la norme, c'est plutôt entre 7,3 et 7,4. Mais il faut comprendre que ces valeurs-là, donc 7, 6,8, unité arbitraire, eh bien, toute personne lambda serait dans le coma, en fait. Et donc, tout le travail de l'entraînement, c'est justement de parvenir à repousser ces états-là progressivement, en jouant sur les temps d'effort, sur les distances, en proposant toute une planification pour réussir, en fait, à selon les discours du milieu, à développer, en fait, les capacités du corps. Et donc, finalement, c'est un peu le même principe au niveau musculaire, enfin, dans les différents domaines. Mais je crois que cet exemple était parlant. Et donc, là encore, on peut faire un lien avec l'expérience mythique. 5 minutes, ouais. Donc, on va aller très, très vite. Pour dire que cette analogie, à la fois, elle fonctionnait extrêmement bien, et elle permettait aussi de mettre en valeur, je trouve, des choses assez fines dans les rapports à l'institution. Et en même temps, bien sûr, vous imaginez bien que ce modèle monastique, je l'ai fait à partir de rien. C'est-à-dire que ce modèle, je l'ai fait, il est déjà intemporel, je l'ai fait à partir de différentes sources, et je l'ai fait aussi selon mon accommodement, c'est-à-dire en fonction de ce qui collait bien avec ce que je voyais sur le terrain. Donc c'est un peu comme si on était face à... attends, je vais essayer d'aller vite. Donc c'est en soi que je parle de mirage de l'analogie, parce que c'est un peu comme si on était face à un monastère dans lequel cohabiteraient différents ordres religieux appartenant à plusieurs époques et mis sous la coupe de l'État. Donc vous voyez que ça ne fonctionne pas trop. Et puis, je ne reviendrai pas non plus, je n'aurai pas le temps non plus de revenir sur les différences fondamentales entre les deux. Mais en même temps, il y a quand même des similitudes qui sont extrêmement fortes, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Et ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, il y avait aussi de très grandes similitudes avec les institutions closes laïques. Et ce qui était central aussi, c'est la question de l'utopie. Et finalement, de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressée à l'histoire de la pratique de l'athlétisme, à ses origines, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et c'est là, en fait, que j'ai construit ces liens entre l'analogie religieuse entre le sport et la religion, parce que finalement, dans l'histoire de l'athlétisme, l'Église catholique a été extrêmement engagée dans sa modernisation. Elle a largement œuvré pour le sport, pour l'athlétisme. Parce qu'elle y voyait ici un moyen de reprendre un certain contrôle de la population. Et en même temps, finalement, en faisant cela, elle a énormément influencé le milieu en donnant, par exemple, un fondement moral à cette question de l'éthique de l'effort, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc voilà, je me suis un peu intéressée à l'action de l'Église, et ça m'a permis d'éviter peut-être un rapprochement fonctionnel, d'éviter de partir sur une définition du religieux extensif, comme ça a pu être fait dans d'autres travaux, et finalement de l'expliquer par l'imprégnation d'un travail, d'un héritage catholique romain qui se voit pas forcément explicitement, mais qui est plutôt implicite, mais qui reste présent. Et puis, finalement, tout ça reste encore ne sortait pas du cadre de l'institution religieuse. Et donc, j'ai proposé un troisième cadre théorique qui était celui de questionner la question des rituels et des croyances en sport. Donc, là, l'idée, c'était pas de revenir dessus, mais c'était encore une autre manière d'aborder les choses. Et donc, pour conclure, finalement, l'articulation de ces trois cas théoriques a été rendu possible par une approche méthodologique globale qui consistait à adopter une définition extensive du croire et des pratiques croyantes pour en fait tout observer. Et une fois ce travail d'enquête réalisé, il a fallu réduire la portée de ces concepts pour ne pas risquer de tout ramener à du religieux. En outre, l'approche historique me permettait finalement de comprendre différemment les différences qu'il pouvait y avoir entre l'institution sportive et l'institution religieuse, la vie monastique et la vie à l'intérieur de l'INSEP, en émettant l'hypothèse sur laquelle, finalement, il y aurait eu un contact entre religion et sport à une époque, puis finalement, autonomisation, différenciation, et donc, ce qui expliquerait les différences actuelles. Et puis, certains travaux montrent également la manière dont les monastères, la conception de l'ascèse évolue au sein des monastères en fonction aussi de la société contemporaine. Certains monastères ne vont pas parler d'ascèse, par exemple. Donc, je trouvais ça intéressant de réfléchir à ces questions des transferts, des influences et des emprunts entre ces deux sphères. Et puis donc, pour finir, rapidement, je dirais que l'analogie religieuse est apparue comme une étape pour à la fois repérer dans la sphère séculière ce qui pouvait fonctionner comme s'apparenter à, même si c'était aussi un leurre, mais en même temps, ça permettait d'identifier des choses intéressantes. Et À partir de là, identifier parmi ces éléments ce qui renvoie à un héritage catholique, romain et non, et également ce qui s'en émancipe à travers l'analyse des différentes croyances et des pratiques rituelles qui sont assez proches également de ce que Sébastien et Tristan ont pu repérer, sur laquelle je n'ai absolument pas le temps de développer, mais voilà, l'existence d'une production d'un croire à la marge des religions institutionnelles dans laquelle les sportifs bricolent, qu'ils instrumentalisent aussi, comme un peu une préparation mentale spécifique au moment de performer. Voilà, principalement.